Toujours à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le roi cambodgien Norodom Sihamoni et la grande reine Norodom Moninyet Sihanouk ont fait parvenir le 1er juillet les grandes corbeilles de fleurs à l'ambassade coréenne dans leur pays. Les corbeilles ont été déposées devant les portraits en sourire des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il.